Saute, saute, mon ami, saute à pieds joints. Si le cœur t'en dit non, n'aie pas peur, tu ne tomberas pas plus bas. Saute, saute, mon ami, dans les flaques. Si le cœur t'en dit non, n'aie pas peur de te prendre des claques. Oh, oh, oh, oh, si mes lignes sont écrites, alors pourquoi s'en faire? Oh, oh, oh, oh, si la vie est indigne, alors pourquoi ces rires? Oh, oh, oh, oh, si nos rêves sont étroits, alors pourquoi les vivre? Oh, oh, oh. Saute, saute, mon ami, allez, saute, on n'est pas de remords, le reste question de survie. Saute, saute, mon ami, allez, ne saute pas de ce pont, allez, saute, saute, saute vers la vie. Oh, oh, oh, oh, si les lignes sont écrites, alors pourquoi s'en faire? Oh, oh, oh, oh, si la vie est indigne, alors pourquoi ces rires? Oh, oh, oh, oh, si nos rêves sont étroits, alors pourquoi les vivre? Oh, oh, saute à pieds joints, si le cœur t'en dit non, n'aie pas peur, tu ne tomberas pas plus bas. Saute, saute, mon ami, dans les flaques, si le cœur t'en dit non, n'aie pas peur, te prendre des claques. Oh, oh, oh, si les lignes sont écrites, alors pourquoi s'en faire? Oh, oh, oh, oh, si la vie est indigne, alors pourquoi s'en rire? Oh, oh, oh, si nous rêvons sont étroits.